mwen sorti yo kay ma teri Jeremi ki sa mal fè mal travay na chada si ach ma voye se bi kwa ma voye se kwa ma jete se wosh ma krasi men travay api ay la yo iti ki jan pou mal nan peyi travay an pi la jam piti ki jan pou m fè pou mal nan peyi malade, mais oui, madame, moi couché, moi gain prescription, yo besoin manger soleil, soleil a brûlé, moi pas gain l'argent, la vie a mouillé, moi pas ça paré, même travail en pile, aïe la yawe midi, qui j'en. Pour mal nan peyi travay an pi la jam piti ki jan pou m fè pou mal nan peyi malade, mais oui, madame, moi couché, moi gain prescription, yo besoin manger soleil, soleil a brûlé, moi pas gain l'argent, la pluie a mouillé, moi pas ça paré, même travail en pire, la jambe piti, qui j'en pour mal dans le pays, travail en pile, la jambe pitié, pigeon pour me faire.